Donc, je suis avec Émile, bassiste de Stone Matter, groupe toulousain formé en 2019. Donc, merci à toi d'être venu pendant que Maxime nous a tristement lâchés. La grippe, qu'est-ce que tu veux? Bon, ça arrive. Est-ce qu'on peut commencer par discuter du fait, enfin, de ce qui vous a réunis tous les quatre? Donc comment a commencé le groupe en fait? Ouais, c'est ça. Ouais, alors c'était Maxime et notre chanteur Jay qui voulaient former un groupe de stoner. Donc Ouais. voilà, l'ambiance était déjà posée. En fait, moi j'ai rejoint le groupe il y a 2 ans. Ok. Il y a 2 ans, quand l'ancien bassiste Papy est parti pour des raisons pro. Ok, ouais. Donc, ouais, on en reparlera après. Donc, t'étais pas impliqué dans le premier EP. J'étais pas impliqué dans le premier EP, Ouais. mais j'ai fait partie du groupe avant, pendant une répète. Ok, Mais ouais. le fait d'avoir les répètes qui étaient sur Tarbes, c'était vraiment pas pratique pour moi. Donc c'est à ce moment-là que Papy est arrivé. D'accord. Oui, donc, enfin, vous aviez tous des groupes à côté avant de démarrer ça, parce que, enfin, tu n'es pas bien vieux, mais démarrer, enfin, je suppose que vous n'avez pas démarré la musique en 2019, quoi. Non, ben en parallèle de Stone Matter, je crois que les copains n'avaient pas de groupe en même temps. Ok. Je sais que notre batteur Raphaël, lui, a eu des groupes avant, qu'il a fait partie de Patator, notamment un groupe de punk qui est du coin aussi. Et j'avoue que pour les autres, je sais pas trop. Et moi, j'ai un autre groupe aussi en parallèle, un groupe de death metal qui s'appelle Nameless. D'accord, ouais. Voilà, donc je jongle entre les deux. Ok, cool. Bah justement, tu disais en intro que le but c'était de jouer du stoner, donc bah, c'est carrément ce que vous faites. Mais moi j'ai vu quand même une vraie petite évolution entre votre premier EP, donc sur lequel tu étais plus ou moins impliqué, et votre album. Donc l'EP est sorti en 2020, il s'appelait One More Trip. Exact. Et donc l'album de 2023, Riding to the Sun. Ouais, j'ai trouvé qu'il y avait sur l'EP un côté très clutch, un peu dans l'idée, dans l'énergie, dans tout Ouais. ça. Là où sur l'album, vous êtes. Alors, c'est encore une fois, je fais des comparaisons, mais peut-être un peu plus sur un côté de Monster Magnet. Tu vois, un peu poussiéreux, tu vois, Ouais, désert. fallait que tu choisisses un groupe que je connais pas. Ah ouais, ah merde, ah bah, désolé. Et voilà, mais il y a toujours une énergie, tout ça. Je sais pas si vous avez senti aussi un peu votre évolution déjà entre les deux. Ouais, bah, comme j'ai dit, moi j'ai pas Ouais. participé à la création ni de l'un ni de l'autre, parce que c'est essentiellement Maxime qui compose les instrus. Mais c'est vrai que l'album a une. Donc l'album Riding to the Sun, il a un côté quand même plus psyché, Ouais. qui est centré autour de morceaux plus longs, avec voilà, des passages plus psychédéliques, et c'est le format long de l'album qui permettait de qui a permis de laisser ça s'exprimer un peu, et de mettre en plus des petites intros pour les morceaux, des passages plus atmo. Ouais, bah, je suis d'accord, ouais, le côté psyché se sent bien plus. Bah d'ailleurs, pour parler un peu de votre la thématique globale de votre groupe, de comment vous voyez les choses. Moi, j'ai fouillé un peu sur vos sites, tout ça. Vous ressortez quatre mots. Les mots, c'est alien, mème, bière et Alors, à noter psychotrope. qu'aucun d'entre nous ne prend de psychotrope, d'ailleurs, c'est Ok, assez. parce que j'allais te dire que justement, il y avait intérêt de combiner la bière et les psychotropes pour arriver à des mèmes avec des aliens. C'est plus la bière, en effet. Ouais. Non, le côté même, c'est plutôt que les inspirations pour les chansons, et surtout pour les textes. Donc c'est Jay qui écrit les textes, et la plupart viennent de blagues. Ok. Les textes, il y a beaucoup d'humour là-dedans, en fait. Et le choix du mot même, c'était parce que, notamment, une des chansons de l'EP, qui est Middle Finger Pilate Meditation, méditation Pilate du doigt du milieu, elle vient en fait d'une vidéo YouTube qui était devenue un peu virale à un moment où il y a plein de gens qui sont réunis en cercle sur une petite place. Et il y a vrai qui s'appelle Middle Finger Pilate Meditation. Donc en fait, tu vois plein de gens, les yeux fermés, en cercle. D'accord. Pendant 1 minute 30, sans bouger, c'est. Mais c'est marrant que vous inspiriez de ça, je trouve ça génial, Anna Hallyday. Bah, c'est ça, donc du coup, dans les blagues qui ont servi à inspirer les chansons, il y a souvent un petit peu de culture internet. Et voilà, l'alcool, les psychotropes, en fait, ça vient surtout de la chanson éponyme Stone Matter qui raconte l'histoire d'un alien qui est à la recherche de la Stone Matter, Ouais. une espèce de dope de l'espace légendaire. D'accord. Mais bah, d'ailleurs, enfin, le clip que vous avez sorti pour Rising to the Sun, je trouve qu'il illustre parfaitement en fait ces quatre mots. Bah, vous y mettez le petit alien, ça fait très clip un peu, on va dire rétro, Un peu, ouais, on va dire la moto, le ouais, désert, le... années 80, 90 là, enfin. Exact. Je sais pas ce que t'en penses, mais presque c'est la meilleure façon de comprendre votre délire que de regarder ce clip, quoi. J'ai l'impression. C'est gentil de le dire comme Bah, ça. quoi, c'est la sensation que j'ai eue. Tout cut. Ouais, plutôt. Bah, le clip, en plus, il était pensé. La chanson, c'était. Comment il avait décrit ça, Jay? Un road trip qui finit en bad trip. Ouais. Donc. Ouais, c'est un bon résumé, ouais. Je l'ai regardé une ou deux fois, ça m'a fait bien rire le petit truc, mais vraiment de tous les petits éléments comme ça. C'est vous qui l'avez créé le clip ou vous vous êtes fait aider, enfin vous l'avez confié à quelqu'un? Alors, donc j'étais pas là sur la création du clip non plus, donc je vais pas trop forcément pouvoir en parler. Ah, ça me revient pas. Je sais plus qui avait créé du coup Bon, c'est ouais, bah, les effets animation un petit peu comme ça, mais d'accord. on a travaillé surtout pour les prises de vue avec le groupe, avec Mathieu Gilles qui est réalisateur de clips aussi, D'accord. qui est un ami de Maxime. Et qui d'ailleurs nous a fait aussi les prises de vue pour un clip qu'on a tourné il y a 2 semaines et qui OK. arrivera dans un futur proche, Cool. Ah j'espère, pour bah. une chanson qui s'appelle Alien Cave, Ouais. qui nous raconte quelque chose que je vais même pas spoiler d'ailleurs, tiens. Allez, Ok. on va garder un petit peu de suspense. Oui, si je dis pas de bêtises, il n'est pas sur Non. l'album, hein, ce titre-là. Non, c'est Ouais. il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver, qui D'accord. sont en travail, qui sont en chantier. Ok, bah j'allais te lancer un peu plus tard là-dessus, donc Eh on ben, va on y garde ça revenir. pour plus tard. Ouais, pas de souci. Et de la même façon, vu qu'on parle un peu côté artistique et tout ça, tout ce qui est visuel, c'est pareil, ça a été travaillé avec un peu les mêmes personnes, parce que je trouve que ce soit le logo du groupe, la poche, enfin les deux pochettes que vous avez déjà, je trouve que ça fonctionne bien. On retrouve à chaque fois une patte, un univers, l'univers Stone Matter, quoi. Ouais, bah la première pochette, en fait, elle avait été créée par la dessinatrice Koishka sur les réseaux sociaux, qui nous avait fait ce petit astronaute, et l'astronaute est resté un peu la mascotte du groupe, en fait. Et donc l'ADA elle continue d'évoluer autour de ça, en fait. On reste, voilà, proche de l'espace, des aliens, de ce petit astronaute qui revient un petit peu qui revient un petit peu tout le temps. Bon, bah écoute, ça c'est du coup effectivement le visuel fonctionne bien et moi le visuel m'amène forcément sur la partie concert parce que vous en avez fait quand même beaucoup en 2023-2024. Nous, avec l'agenda, ce que je te disais en off tout à l'heure, on a eu Ouais. l'occasion de beaucoup parler de vous, donc ça fait plaisir, c'est cool. Comment vous avez. Déjà, est-ce que vous aimez le live? Est-ce que c'est plus votre ADN que justement faire un album, tout ça? Parce que c'est souvent. Enfin, beaucoup de groupes le disent souvent qu'ils préfèrent passer au côté live, c'est aussi votre cas, quoi. Oui, on aime les deux, on va dire. Ouais. Mais en tout cas, oui, on a une musique qui est quand même vraiment pensée pour le live et qui marche bien. D'ailleurs, en fait, les gens sont souvent bien embarqués dans le délire quand même. On a fait toutes sortes, on a fait pas mal de scènes et surtout des bars. C'est quelque chose qui marche vraiment bien. Faut dire aussi que vous avez un stoner psyché qui est quand même très énergique. Ouais. Donc forcément, une fois qu'on arrive sur scène, enfin, une fois que vous arrivez sur scène, le public, bah, il a envie de bouger. Je pense Ouais, bah ça que c'est parce ça y joue de que suite. Max, quand il compose, il continue d'avoir des inspirations un petit peu métal quand même. Ouais. Parce que dans les inspirations, on y est pour le côté vraiment stoner, on cite plutôt des groupes comme Kaios, Red Fang ou Fu Manchu. Ouais. Mais pour le côté métal, on va aussi fouiner chez des groupes comme Mastodon ou Baroness, par exemple, qui gardent le côté stoner, mais qui ont quelque chose de plus brut quand Ouais, même. un peu plus sludge, Ouais, c'est ça. mais toujours, voilà, toujours cette bonne énergie, tout ça. Mais par contre, ouais, vous avez pas, votre musique est pas assommante, il n'y a pas un côté doom. Non, Du non, coup, pas du tout. ça reste très, très, enfin, très dansant, oui, en soi. C'est ça. C'est ça. Bon, nous, on décrit ça comme du stoner à bière. Du stoner qui est énergique pour s'amuser quand t'as bien bu, tu Ouais, non, mais franchement, moi, vois. je me vois bien passer, voilà, un bon moment devant vos lives sans souci, ouais, à pas m'ennuyer, parce que des fois, justement, le stoner un peu lourd, à force, t'as une sensation de répétition, tu prends des vagues. Là, Ça j'ai dépend. un Moi, peu, je suis très client de ce genre de truc voilà, aussi, après, mais tout c'est sûr, dépend, c'est voilà, pas mais du c'est tout pas les du mêmes tout la même ambiance, ouais. sensations en concert. Voilà. Et ben, du coup, ma prochaine question, c'est encore, enfin, c'est lié à ce que vous avez posté sur vos réseaux Oui. récemment, à savoir que vous avez fait votre, alors pas dernier concert pour 2025, mais que vous allez un peu en faire moins cette année. Donc ma question, elle est simple, c'est pourquoi? Parce qu'on écrit un album. Ah, ça c'est cool. On écrit un album. On a deux chansons qui sont déjà enregistrées, Ok. dont une pour laquelle on tourne le clip. Ouais. Trois déjà composées. Donc ces deux-là plus une autre qu'on a jouée sur nos derniers concerts déjà. Donc il y a D'accord. déjà un petit peu de nouveauté pour les concerts. D'accord. Et on a décidé de faire une pause pour écrire un petit peu le reste. Pour roder et surtout pour aller en fait enregistrer l'album et le sortir quand on pourra. On n'a pas vraiment de calendrier prédéfini, mais on aimerait bien en tout cas pouvoir passer à l'enregistrement d'ici cet été. D'accord. Donc on va se donner là quelques mois à partir de maintenant pour vraiment finir les compos. Ouais. Combien vous visez combien de chansons à peu près pour l'album? Je crois qu'on est à ben, c'est 6 ou 7, je compte. Ok. Ouais. Attends, il y a sorti ça là. Celle qui tabasse là. Oublie pas celle qui sonne un peu stoner aussi. Ouais, celle-là, et puis il y a l'autre un peu plus doux aussi. Je crois qu'on arrive à 7, ouais. Ouais. Ok. C'est ça. Ok, donc presque la moitié du travail est déjà fait. Presque la moitié du travail est déjà fait, ouais. Ok. En composition, tu disais tout à l'heure que c'était Maxime qui écrivait beaucoup la partie écriture, enfin la partie musique, parce que écrire la partie C'est écriture. ça. Moi, je l'ai un petit peu rejoint sur les dernières, du coup, j'amène quelques idées aussi. Ok. Mais ça reste Maxime qui fait le gros du travail, qui amène quand même la plupart des riffs et des idées de base. Ok, et après le chanteur se colle les paroles, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Souvent, la méthode qu'il emploie, c'est poser du texte en yaourt ou quoi pour trouver un rythme qui collera bien à la chanson. Ouais. Puis, il faut trouver une idée. La Oui. prochaine blague à raconter, en fait, la prochaine Ouais. blague à faire en chanson. Ok. Vous avez prévu de l'enregistrer dans un studio particulier ou vous allez le faire plus ou moins Alors oui, on a découvert un studio qui est du côté de La Roche-sur-Yon. D'accord. C'est Nomad Audio, Ok, donc vous studio Nomad Audio chez qui on est allé pour enregistrer les deux chansons dont je te parlais tout à l'heure. avez. Et on a beaucoup aimé travailler avec Fabien de Nomad Audio, qui nous entendra peut-être pas, mais je lui fais coucou quand même. Ok, bah écoute, si j'y pense, mais il y a très peu de chances, j'essaierai de le taguer. mais ouais, souvent quand je le dis, j'oublie, donc C'est ça. je vais rien promettre. Alors on l'a découvert parce qu'on a vu qu'il avait fait l'enregistrement et mixage pour un album de The Necromancers, groupe un peu orienté stoner aussi, Ouais. heavy metal stoner qui est par là-bas du coup. La région nantaise, oui, je Ouais, crois. c'est ça. C'est ça, Oui. donc on a voulu tester avec lui, on a bien accroché vraiment autant humainement qu'au niveau de sa manière de travailler. On aime beaucoup le son qu'il nous a fait pour ces deux chansons Ouais. d'ailleurs. Donc Bah, écoute, après si. avoir travaillé, on s'est dit allez, le reste de l'album Oh, bah, tant mieux, tant mieux. on fait là-bas quoi. Bah, c'est cool. Et puis, bon, si vous sort quelque chose du niveau de production du dernier Necromancer, Alors, c'est franchement. pas lui qui a travaillé sur le dernier. Par D'accord, contre, ah ouais. je suis sûr qu'il a fait sur le premier. Ok. Plus très sûr pour le deuxième. J'ai Ouais. peut-être dû réviser un peu. Oh, c'est pas grave. Ok, ouais, oui, bon, mais quand même. une personne qui sait ce qu'il fait. Exact. Ouais. Non, je crois que c'était très pro, on a beaucoup aimé travailler avec lui. Et est-ce que vous envisagez, une fois l'album sorti, d'essayer de le promouvoir, on va dire, un peu plus en concert sur une échelle un peu plus nationale que... Parce que jusqu'à présent, d'après ce que j'ai pu voir, c'est, vous êtes souvent sur du régional, ouais, en termes de concert. Est-ce que vous avez envie de commencer à vous ouvrir un peu plus à la France entière ou pas forcément? Ce serait bien. Ce serait bien, donc on a commencé un petit peu là déjà en off à aborder la question. Il n'y a pas encore de plan vraiment établi pour le moment, mais on commence déjà aussi à contacter notamment quelques festivals pour essayer de se faire une place sur la scène des festivals. Ouais. Parce que c'est le meilleur moyen de, un des meilleurs moyens de tourner, de se faire connaître. Oui, bien sûr, bah, c'est plus facile de voyager, ouais, de festival en festival qu'avec des orgas. C'est sûr. Enfin, c'est plus compliqué de se faire connaître, ouais, c'est sûr. Ok, ok. Bah, écoute, j'ai eu deux petites dernières questions. La première, c'est de parler un peu de la scène toulousaine dont vous venez. Mm-hmm. Est-ce que vous avez des groupes amis que vous adorez qui... Ouais, il y en a quelques-uns. Ouais. Est-ce que tu as envie de parler d'un ou deux, là, comme ça, de la relation que vous entretenez avec eux? Ouais, bah, déjà, on est bons copains avec les Mister Madmouze, un groupe de stoner boréal. Boréal. Voilà, boréal. j'adore ces termes hyper descriptifs. Ah, les noms de style des groupes, des fois, même pas besoin d'un nom de groupe, quoi. Tu vois. Oui, c'est ça. Non, mais ouais, les Mister Madmouze, ils sont trois, ils font un stoner super, super efficace aussi, super catchy, et c'est des bons copains par ailleurs. Okay. On est bons copains avec Iron Lungs, qui était un duo qui est maintenant tout seul, qui est le Iron Lung. Quelque part. D'accord. Ah oui, je savais pas qu'il était passé en solo. Ouais, qui peut passer en solo pour le moment, Manu, et qui fait du stoner très orienté autour du punk. Ouais. Très orienté punk. Qui je pourrais parler d'autre. Il y a Kalbar aussi, plutôt dans le côté Doom. Ouais. Dans le côté Doom, on a joué avec eux quelques fois. Alors attention, ça, avec K2A. LB2R. Oui, alors on était en interview avec eux il y a un mois et demi, deux mois, lui. Ah bah. Deux mois à peu près. Et vous n'avez pas dû vous ennuyer. Non, c'est pas du tout ennuyé, on était dans leur studio de répète. Et ouais. Là, bah, alors je sais pas ce qui sortira le premier, mais on doit enregistrer avec Fiston la semaine prochaine. Ok, d'accord. Cette émission, donc. Allez. Voilà, c'est Kalbar, nous aussi, c'est en train de devenir le côté très, très ami. Ouais, bah, okay, ouais, Kalbar, mon délire. Et puis. De qui je pourrais parler, il y a Nervicide qui font du grunge aussi, Maxime en a fait partie pendant un petit moment. Oh, bah après, et puis voilà, je pourrais glisser un petit mot pour tous les groupes avec qui on a joué, tout, ouais, avec qui on avait bien accroché. Il y avait No Face in Medicine, Mondo Chawan, ouais, et alors non, qui me revient pas, Moonshiners aussi, qui fait plus du rock rock british, à la rock british des années 60. Ok, ouais. On a joué avec eux, je sais plus si c'était une ou deux fois, je crois. D'accord. Très chouette aussi. Ok. Ok, bah tu vois, ce dernier groupe me parle pas sur la scène, mais c'est pas grave, je ferai le curieux. Ça marche. Ok, bah écoute, merci. Mais merci d'avoir parlé un peu d'eux. J'en oublie plein, excusez-moi par avance, j'ai pas une très bonne mémoire des noms. Après, tu peux pas parler de tout le monde, sinon on pourrait pas. Maxime était là. Ouais, bah la grippe. Hein. La grippe. Et ma dernière question, en fait, c'est qu'est-ce qu'on peut souhaiter, à votre groupe pour la suite? De continuer. Continuer à faire de la musique, de continuer à faire du live. Parce que on adore ça, on s'amuse beaucoup et chaque nouveau petit événement amène une nouvelle pierre en fait à la petite maison Stone Matter qui se construit. Là, il y a eu le très chouette aventure quand on est allé faire du studio à la moitié de la France. Là, très chouette aventure en tournant le clip il y a deux semaines. Mm-hmm. Donc ouais, l'idée c'est de continuer parce qu'on s'amuse beaucoup et on verra où ça va, quoi. Ouais. Bah après, c'est la meilleure des souhaits, hein, de continuer à se faire plaisir. Ok, bah écoute, Emile, merci beaucoup. Merci d'être venu parler Ben, de merci ton beaucoup, groupe. merci beaucoup pour l'invitation. Ben, ça, moi, ça m'a fait Chouette. plaisir. Pareil. Et hâte d'écouter ce que vous allez nous sortir donc Ah, bientôt. ça arrive dans un futur un petit peu indéterminé. Voilà. Ben, écoute, et après, vous revoir sur scène pour défendre tout ça, quoi. Ça aussi, c'est un futur un peu indéterminé. Merci beaucoup. Ça va venir. Des nouvelles très bientôt.